Somoza, fantoche en place grâce à l'armée. Je chante pour que l'on n'oublie pas. Endormi dans notre confort routinier, que des gens crèvent. Que des gens crèvent, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Tous ces charniers, de corps mutilés. Soviétique qui souffre dans un hôpital psychiatrique, tandis que Brejnev et sa clique fasciste se gavent de vodka et de caviar. Je chante que l'on n'oublie pas. Endormi dans notre confort routinier, que des gens crèvent, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Tous ces charniers, de corps mutilés, de bien vivre sur les opprimés. Je chante pour qu'ils n'oublient pas que Jara est mort d'avoir trop chanté. Que les gens crèvent, que des gens crèvent, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Tous ces charniers, tous ces charniers de corps mutilés, de corps mutilés.